Chapitre 218. Le mérite d'être généreux et de multiplier les bonnes actions pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours en particulier. 1222. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était le plus généreux des hommes, et en particulier pendant le mois de Ramadan, lorsque l'ange Gabriel le rencontrait et lui enseignait le Coran en le récitant au prophète qui le répétait, les nuits de ce mois. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, devenait alors plus généreux qu'un vent porteur de pluie et de bienfaits. Al-Bukhari et Muslim. 1223. D'après Aisha, radiyallahu anha, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète, alayhi salatu wassalam, les veillait en adoration. Il réveillait sa famille, s'abstenait de tout rapport avec ses épouses et redoublait d'efforts. Al-Bukhari et Muslim.